Le nez sous le vent allongé dans un champ, je regarde le ciel. Le nez sous le vent allongé dans ce champ, je l'écoute parler d'elle. Il me dessine son visage, les nuages me le disent, notre amour n'a pas d'âge. Il faut qu'on se le dise. Le nez sous le vent reposé, tranquille, je ne bouge plus un cil. Absorbé par le temps d'une pensée positive ou bien de mon idylle, je me souviens du printemps où les fleurs dans tes yeux. Quand nous étions amants, comme c'était merveilleux. Le nez sous le vent disposé à partir, je regarde le ciel. Maintenant il est temps, à quoi bon les souvenirs, tu t'envoles avec elle. Là où même le temps s'efface, où la fleur a sa place, où même temps.